Les Nuits de France Culture, nuit racine, première nuit racine, commencée en compagnie de Jennifer Tamas, professeure dans le New Jersey aux États-Unis, où elle enseigne racine, elle fait jouer aussi racine à ses étudiants. Jennifer Tamas est auteure d'un essai, Le silence trahi, racine ou la déclaration tragique, publié chez Droz. Alors une nuit qui s'est poursuivie par la tragédie de Racine Pérennis, donnée dans le cadre des matinées classiques par la Comédie Française, avec en tête de distribution Jean Chevrier, Jacqueline Moran et Serge Reggiani. Et puis, nous avons entendu aussi Béatrix Dussan à une conférence qu'elle avait consacrée au début du jeune Racine, 1664, la Thébaïde, c'était en 1965. Une émission qu'on vient d'entendre, donc Prestige du théâtre, Sarah Bernard, la fille de Minos et de Pasiphaé. Mais plus tard dans la nuit, nous allons suivre une lecture à une voix, une émission de Michel Pollack, et c'est Jean Marchat qui, en 1956, sur la chaîne nationale, jouait, interprétait tous les rôles de Britannicus. Suivra Anthologie française Racine prosateur par Jean Debert, une émission de 62 diffusée sur la chaîne nationale, et puis on terminera par L'art du comédien proposé pratique Phèdre par Madame Simone. Ça, c'est une émission qui date de 1957. Bonsoir Serge Bourris. Bonsoir. Alors, la scène 5 de l'acte 2 de Phèdre que donnera à jouer Madame Simone plus tard dans la nuit, en toute fin de nuit. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Phèdre est face à Hippolyte. Alors vous, comédien, auteur, metteur en scène, depuis un certain temps, vous proposez aux spectateurs du théâtre Essaillon à Paris, mais l'été en Avignon et un peu partout en France, un Racine par la Racine qui est à la fois érudit et très distrayant. À vous, je ne vous apprendrai rien, donc voilà, oui, bah Phèdre a du mal à avouer son amour. Est-ce que vous avez eu du mal à avouer votre amour à Racine? Parce que pour faire un spectacle qui s'appelle Racine par la Racine et qui nous parle de 11 tragédies en 1h15, il faut vraiment aimer Racine. En tout cas, il faut avoir une relation affective avec lui. Oui, à vrai dire, l'idée de monter ce spectacle est venue de l'idée d'abord de mon amour pour Racine et de la langue de Racine en particulier. Et l'idée aussi que on constate que beaucoup de spectateurs sont assez éloignés de l'univers de Racine pour des questions culturelles. Que c'est un auteur assez exigeant sur le plan de la langue, sur le plan des références historiques, mythologiques. Et donc l'idée, c'était d'essayer de rendre accessible Racine à un public plus large. À vrai dire, je suis parti de cette idée-là, de l'envie de travailler sur Racine. J'ai lu ou relu certaines des tragédies et m'est venue cette idée de un peu oulipiste d'écrire ce spectacle Racine par la Racine. Mmh. Oulipiste, mais quand même qui n'est pas, c'est pas simplement les bonnes feuilles, les phrases que l'on connaît tous et qui seraient mises bout à bout comme ça en 1h15, qui ne voudraient pas dire grand-chose, qui pourraient donner aussi un spectacle comme ça un peu loufoque. Oui. Mais c'est pas le cas. Il y a plusieurs plateaux. Combien de plateaux? Il y a 10 tableaux. 10 oui. tableaux pour 11 tragédies. Et quand même, vous racontez quasiment toutes les tragédies. Oui, ça peut durer 30 secondes comme 6 minutes. Oui, l'idée c'était justement, enfin quand je dis oulipiste, c'est par rapport à la forme en particulier, puisque c'était d'essayer d'aborder chacune des tragédies sous un angle de mise en scène totalement différents, qui correspondent à des types de mise en scène, soit modernisés, soit loufoques, soit mime, etc., ombre chinoise. Et donc, j'étais parti de cette idée-là. Et effectivement, les tragédies sont abordées soit par le texte de Racine, parfois, soit par un texte que j'ai écrit, moi, pour l'introduire au spectateur. Lecture de journaux grecs, par exemple. Ou alors, parfois aussi, j'ai utilisé les préfaces de Racine, qui ne sont pas, d'ailleurs, citées comme préfaces, mais que j'utilise dans mon texte, par exemple, dans l'interview de Racine. Ah oui, c'est une archive INA de quelle année, ça, vous avez? 1669, je vous félicite, j'en ai jamais trouvé de, oui. de si ancienne. Comment l'avez-vous trouvé? Ah, ça c'est un secret que je ne peux pas dévoiler. Alors, ça commence en fait par une espèce de polyphonie, comme ça, il y a des phrases sur les serpents qui sifflent, tout ça, etc. Tout conspire à me nuire. C'est quand même des phrases qui sont faites pour éveiller justement tous les anciens lycéens, toutes les anciennes lycéennes que nous sommes, et qui ont lu ça dans La Guerre des Michards. Quand il y avait La Guerre des Michards, dans d'autres textes, dans d'autres livres d'apprentissage du français ou de la littérature française, il faut être en familiarité et en même temps, vous dites aux spectateurs, vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, je vais vous le dire. Oui, ça commence un peu par l'idée d'une espèce de secte de raciniens qui sont autour du livre de Racine, enfin des tragédies de Racine. Et effectivement, avec ces espèces de vers qui reviennent en boucle, que tout le monde connaît ou a connu, ou dont il se souvient d'ailleurs pendant le spectacle parfois, comme les fameux « Pour qui sont ces serpents ?» ou bien le monologue de Néron au début de Britannicus, ou alors des tirades de Phèdre. Donc des espèces de vers qui nous viennent de notre enfance de scolaire, qui nous viennent parfois de nos grands-parents, parce qu'on a souvent des spectateurs qui viennent en nous disant, même des jeunes spectateurs, « Ah oui, ma grand-mère me lisait ou me disait ces vers de Racine quand j'étais plus jeune. » Donc ces espèces de vers patrimoniaux, mais dont on ne sait plus très bien d'ailleurs à quoi ils se rattachent et dont on n'a pas forcément d'ailleurs lu le texte source, mais qu'on a en tête chacun d'entre nous, qui font partie de notre patrimoine commun, on va dire. La difficulté et puis la réussite, Serge Bourris, de votre spectacle donné par la compagnie, votre compagnie Alcandre, donc Racine par la Racine, c'est de parler rapidement, enfin brièvement en tout cas, de nombreuses tragédies et de ne pas se moquer justement de la rapidité, du passage de l'une à l'autre, parce que ça pourrait être quand même très... Alors vous avez parlé de l'Oulipo, ça pourrait être Elsa Popinien aussi. Oui. Ça l'est d'ailleurs, par moments, c'est un spectacle amusant. Oui, oui. La difficulté du spectacle, et d'ailleurs quand on a commencé à le jouer, on ne savait pas du tout comment le public allait le recevoir. Et c'est de passer d'évocations un peu burlesques de l'œuvre de Racine ou de la vie de Racine à des passages de pure tragédie, donc avec le texte de Racine. Donc de passer du comique au tragique et d'essayer de rendre, enfin de créer une espèce de fluidité dans tout ça. Donc c'est vrai que ça demande par exemple aux comédiens une espèce de gymnastique. Et ce qui nous a frappé pendant les premières représentations, c'est parce que la crainte c'était de se dire, voilà, on joue un moment comique et puis ensuite on dit du Racine et les gens vont continuer à rire sur Racine. Et on se rend compte que au bout d'un vers de Racine, le public change complètement d'écoute. Et ça, c'est assez stupéfiant. Enfin, on était assez sidérés la première fois qu'on a joué, parce que il y a une écoute complètement différente et une espèce de respect, de vénération de l'Alexandrin qui est assez étonnant. D'autant que l'auteur que vous êtes, Serge Bourris, et le metteur en scène, c'est bien qu'il y ait des moments, en effet, comme ça, amusants, enfin bon, qui donnent envie, en tout cas, d'écouter. Et puis soudain, il faut montrer que les comédiens et vos comédiens sont excellents, ce sont des comédiens qui pourraient être dans une soirée classique. Il faut qu'ils soient excellents. Sinon, si c'était mal joué, si les scènes, les Alexandrins n'étaient pas bien joués, ça tout tomberait à l'eau. Bien sûr, on est obligé de respecter ça, sinon le spectacle tomberait dans une espèce de pastiche. Oui, parodie, voilà. Ou chose. Ce que je ne voulais pas du tout en l'écrivant. Donc il y a un travail sur le vers de Racine. Enfin, alors justement, je crois que la difficulté aussi de monter Racine aujourd'hui, c'est la durée des pièces. C'est-à-dire que entendre des Alexandrins, c'est magnifique, mais dire bien des Alexandrins pendant 2h30 ou 3h, il faut vraiment des comédiens d'exception pour rendre. Donc la structure du spectacle aussi vise à mettre en valeur ces Alexandrins et à casser un petit peu parfois cette espèce de rythme de l'Alexandrin qui est une sorte de sable mouvant, parfois d'ailleurs très très agréable, qui crée un effet un peu somnifère, mais qui justement est un peu rompu par des ruptures comiques ou burlesques. Et que disent par exemple, j'imagine qu'il y a des scolaires qui viennent et des professeurs, oui, beaucoup. Que vous disent des professeurs de français? Est-ce que vous avez un qui viennent vous dire, vous avez osé faire ça ou... Oui, alors curieusement, on a eu très peu de réactions offusquées de professeurs de lettres classiques qui nous auraient dit, voilà, vous venez dénaturer Racine. D'ailleurs, ça m'aurait fait de la peine puisque c'est pas du tout mon objectif. Un spectacle d'adoration même. Et oui. D'addiction. Enfin, ça, on en parle plus tard dans, oui, dans la pièce. Et non, on a eu. Les raciniens anonymes. Les professeurs généralement sont contents puisque justement, ça permet à leurs élèves qui viennent assister au spectacle d'accéder à cette œuvre qui est difficile d'accès pour eux. Enfin, pour tout le monde, mais pour eux en particulier, dont la langue est tellement éloignée de la langue de Racine. Et donc, ils sont très contents, généralement, en sortant du spectacle. Mais avec Jennifer Tamas, en début de nuit, on parlait justement de l'universalité de Racine, bien entendu, et du fait, quand même, ces étudiants qui sont dans le New Jersey, qui sont des Américains, mais qui sont aussi des Colombiens, des Alexandrins, enfin, des Égyptiens, et qui, voilà, mais qui comprennent, tout le monde peut se retrouver... pas dans un personnage, on n'est pas tous Néron, mais il y a quand même fatalement, on se retrouve dans les histoires amoureuses d'aveux, de crainte de l'aveu, etc. Et je crois que c'est ça la grande force du classicisme français, c'est-à-dire ce caractère universel, puisque c'est une littérature qui n'est pas une littérature d'actualité, qui ne parle pas de l'époque à laquelle écrit l'auteur, mais qui justement garde l'essentiel de l'humain, et donc d'un point de vue déjà de l'expression des passions, c'est totalement universel. Et la deuxième chose, c'est que la langue de Racine, finalement, sous des aspects assez austères, est relativement dépouillée. Les spécialistes, les linguistes ont analysé de manière très informatique. Et le vocabulaire qu'utilise Racine est très très réduit, finalement. D'une pièce à l'autre, on retrouve à peu près toujours les mêmes mots. Mais c'est évidemment la qualité des vers qui fait la différence et mais ce qui permet aussi finalement d'accéder à une langue qui est relativement universelle et simple, mais en même temps sublime. Alors vous parlez des mots, mais il y a des monosyllabes qui sont un petit peu moqués. Quoi ? Oui, mais c'est pas simplement parce que ça aide parce qu'on arrive à 12 pieds dans l'Alexandrin, mais parfois c'est important de commencer une scène comme ça par quoi ? Bien sûr, il y a plusieurs tragédies d'ailleurs de Racine qui commencent par oui. Oui, c'est vrai que ça donne une espèce d'élan au personnage et à la pièce pour entrer dans l'univers. Oui, et à la vôtre, et à la vôtre, et à la mienne, aussi. Oui, parce qu'il y a une espèce de jeu sur ce oui. Mais c'est vrai que pour les comédiens, par exemple, les monosyllabes dans au théâtre en général, mais chez Racine en particulier, les hélas aussi, qui sont très nombreux, qui sont très difficiles à... Les a, qui sont très très difficiles à assumer, puisque... Ils terminent la phrase, hélas, ou l'acte, généralement. Oui, mais le hélas racinien n'est pas le hélas moderne, qui n'a pas du tout le même sens, et parfois il est très difficile d'ailleurs de comprendre le sens précis de ce hélas, particulièrement dans Bérénice... où on les multiplie. Vous êtes venu à Racine comment, Serge Bourris ? D'abord par mon métier, puisque je suis professeur de lettres de formation, et par le goût du classicisme, le goût des vers raciniens. Je trouve que les tragédies de Racine, peut-être, alors laquelle, je ne sais pas, Bérénice, par exemple, il y a une qualité du vers que je trouve absolument éblouissante, exceptionnelle, qu'on ne retrouve quasiment nulle part dans la littérature française. Bon, peut-être, évidemment, il y a un autre alexandrin chez Hugo ou chez Aragon, mais je trouve que l'alexandrin racinien, il a quelque chose de... D'ailleurs, quand on le dit, on s'en rend compte, et on est totalement... pris sous le charme, et ce qui permet d'ailleurs aux comédiens de le jouer longtemps, le spectacle. Et d'être des racino-dépendants. Oui. C'est quoi la racino-dépendant ? Alors c'est une espèce de clin d'œil du spectacle, c'est effectivement, il y a une forme de dépendance à l'alexandrin, et je pense que ça c'est aussi la culture française, c'est relativement simple d'apprendre par exemple de mémoriser des alexandrins, parce que sans s'en rendre compte, on a été imprégné d'alexandrin dans notre enfance, dans notre scolarité. On a appris parfois des textes en alexandrin, des fables de La Fontaine, qui sont pas tout en alexandrin, mais je trouve que quand on dit des alexandrins, c'est relativement familier à notre tympan français. Alors, je ne sais pas ce que ça donnerait pour des Américains. Ça doit être très exotique, j'imagine. Apparemment, les Américains, enfin les étudiants américains ou d'origine autre qu'américaine, mais en tout cas que Jennifer Tamas a comme étudiant, sont appréciés. Oui, oui. Évidemment, ils viennent là pour Racine et pour le théâtre oui. Classique. Alors, ils ont déjà un arrière-plan. Voilà, une pensée. Alors oui, vous dites. Alors pourquoi ils se réunissent, vos racino-dépendants, à la fin de la pièce de Alors à la pièce. Fin de la pièce, ils se réunissent parce que donc ce sont les Alexandrins anonymes et par définition, ils sont totalement accros à l'Alexandrin. Ils doivent essayer de se désintoxiquer et donc. Ils utilisent des méthodes un peu comme Mithridate. Ils essaient de se mithridatiser en disant du Racine pour essayer de sortir de ce cercle infernal. Mais certains sont contents parce qu'ils n'ont pas touché un seul verre. VER, bien sûr, au cours des 15 derniers jours. Voilà, c'est ça. Ce qui ne vous arrive jamais, vous, Serge Bouris. Ce qui m'arrive rarement. Alors, est-ce que vous relisez, vous, justement, parce que cette pièce de théâtre, donc, vous la jouez et elle avait mise en scène, voilà, depuis de longues années. Est-ce qu'il vous arrive de relire quand même, de vous dire, il faut quand même que je relise là cette année, cette semaine, je vais relire Bérénice, je vais relire Andromaque, etc. Quand on le joue, on est toujours obligé de revenir au texte parce qu'on se rend compte que. Oui, mais là, vous jouez, vous faites jouer oui. Ce qui est dans Racine par la Racine, vous. Oui. Vous voulez parler de l'ensemble de l'œuvre. De l'œuvre. Vous savez que l'œuvre existe encore. Elle est encore accessible. oui, bien sûr. Dans le cadre de mon travail de professeur, de toute façon, j'y travaille. Oui, parce que on a toujours envie de le relire et je trouve que, par exemple, Phèdre, Andromaque ou Bérénice, il y a une espèce de beauté pure, ça se lit comme de la poésie, à vrai dire, ça ne se lit pas comme du théâtre. C'est peut-être un des seuls théâtres, d'ailleurs, qui puisse se lire sans avoir besoin de le voir, et je trouve que c'est ça la grande force, aussi, de Racine. Et vos élèves, en quel âge, alors ? Ce sont des lycéens. Des lycéens ? Oui. Et que disent-ils de Racine ? Ils n'osent pas vous dire... ça dépend, il y a toutes les approches possibles. Je crois qu'ils sont... ça dépend aussi du type de lycéen, parce que à Paris, il y a toutes sortes de lycées et de profils d'élèves. Donc, c'est intéressant de les faire travailler sur Racine, les faire apprendre du Racine. Moi, je le fais presque systématiquement et... parce que d'abord ils se rendent compte mieux de ce que c'est qu'un vers en le disant eux-mêmes, de la difficulté de le dire aussi, d'apprendre à dire un alexandrin, à dire les 12 syllabes sans que ça paraisse monotone ou récité. C'est un vrai défi, mais c'est très intéressant, je trouve, parce que ça permet de travailler à la fois sur la langue, sur le personnage, sur l'univers racinien. Voilà. Et alors, à un moment donné, alors il y a 8, combien ? 10 tableaux, avez-vous dit ? Oui. C'est dans le 8e, je crois, il est question d'Iphigénie ? Ou dans le 9e, Esther et Attali ? Parce que parfois, vous groupez un peu. Oui. Est-ce que c'est Racine ? Alors, c'est peut-être dans l'archivina de 1669 que vous avez trouvé, par hasard, Serge Bouris. Est-ce que c'est là où Racine dit « Shakespeare connaît pas » ? Oui, c'est dans l'introduction à Esther et Attali. Et pourquoi dit-il ça ? Vous avez trouvé ça ? Non, il l'a réellement dit ? Non, je pense pas qu'il l'ait réellement dit, mais beaucoup de critiques se sont posé cette question. Quelle était la connaissance de Shakespeare par Racine ou Molière? Et à vrai dire, on n'en sait pas grand-chose, je crois. Enfin, d'après ce que j'ai lu, mais là, effectivement, dans le spectacle, il préfère s'en désintéresser. Et puis, il se pose quand même la question, entre Corneille et moi, lequel est le plus grand? Oui, parce que c'était une vraie question qu'il s'est posée pendant plusieurs années, puisque le jeune Racine est arrivé sur un terrain qui était le précaré quand même de Corneille, et ça a été difficile de s'imposer dans ses premières tragédies, puisque systématiquement on lui renvoyait, oui, c'est intéressant ce que vous écrivez, mais Corneille, et donc il était vraiment, on sentait une espèce d'exaspération, un désir de tuer le père au bout d'un moment, qui s'est réalisé, puisque à la fin, il est un peu détrôné. Enfin, Corneille était un peu sur le déclin et Racine a un peu pris sa place d'une certaine manière. Vous ne pourriez pas faire, vous, Serge Bouris, un spectacle sur Corneille ? On aurait trouvé le jeu de mots déjà. Oui, on m'en a déjà, oui. Corneille par les oreilles, je ne sais pas. Oui, on m'a suggéré cette. J'ai eu cette idée-là parce que ça aurait été intéressant de poursuivre, de décliner comme ça. De décliner. Alors, la difficulté, c'est que les pièces de Corneille, d'abord, il y en a beaucoup plus, et puis elles sont beaucoup plus différentes les unes des autres. Il n'y a pas cette espèce d'unité qu'il y a chez Racine. Et personnellement, moi, il y a des pièces de Corneille que j'aime beaucoup, comme l'Illusion comique, par exemple, ou le Cid. Mais je n'ai pas sans doute assez de passion pour la totalité de l'œuvre pour m'atteler à cette tâche très très lourde. Quels sont les prénoms que vous préférez chez Racine? Les prénoms des personnages. Les prénoms des personnages. Parce que là, vous donnez des scènes dans votre spectacle. Oui. Enfin, ces personnages ont des prénoms et parfois, c'est pas simplement un prénom comme ça qui nous indique qui parle. Ils se parlent l'un l'autre en se prénommant. Oui. Il y a ce personnage magnifique de Bérénice qui sonne encore, enfin, aujourd'hui encore, comme une espèce de talisman qu'on trouve. Par exemple, dans Aurélien d'Aragon, je trouve que c'est très beau la manière dont il évoque Racine. Et alors après, il y a une question des personnages aussi. Enfin, quel personnage m'intéresse? Alors, ils sont tous plus ou moins intéressants, mais c'est vrai qu'il y a des le personnage d'Andromaque, par exemple, c'est quand même un personnage magnifique qui a un magnifique prénom aussi et qui est un personnage. Très très difficile d'ailleurs à interpréter puisque c'est une espèce de femme qui porte une espèce de deuil qui est une mère mais qui ne prend pas en compte les intérêts de son enfant, enfin qui met son mari mort au-dessus de son enfant vivant, donc ce qui donne un personnage toujours un peu, pour nous en tout cas moderne, un peu monstrueux. Hermione aussi, personnage magnifique d'Andromaque, qui est une femme entière, enfin dans sa passion dévastatrice. Et qui sont dans le tableau 6, ces deux joggers en lunettes de soleil. Je ne sais pas. Alors chacun y verra des références à telle ou telle actualité. Alors que disent-ils d'abord déjà? Alors ils parlent de ce dont on parle en tant qu'homme de pouvoir, c'est-à-dire de questions de pouvoir, de comment gérer le pouvoir. Et ça c'est du Racine dans le texte ou c'est du Serge Bourris? Non, on peut pas dire que c'est du Racine dans le texte, tout à fait. C'est plutôt du Serge Bourris, mais qui s'inspire à la fois de la pièce en question. Bajazet. Oui, Bajazet, qui est vraiment une pièce sur les questions de pouvoir, comme beaucoup de pièces de Racine. Et aussi, la scène en question est une espèce de clin d'œil à des scènes d'actualité du 20e ou 21e siècle. Une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Aux spectateurs d'aller voir donc Racine par la Racine, Serge Bourris. Peut-être que cela dit, vous changerez, parce que quand même en 10-15 ans, vous avez changé de temps en temps la mise en scène, les personnages, vous actualisez aussi un peu les références comme ça. Oui, bien sûr, régulièrement. Vous pourriez le faire toutes les semaines, mais tous les 15 jours, vous pourriez changer. Pas dans les journaux grecs, oui, on peut ajouter des références, on le fait. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant, de toute façon, quand on joue une pièce sur la durée, ne serait-ce que pour l'intérêt aussi des comédiens de retravailler le spectacle, c'est toujours intéressant d'ajouter. D'ailleurs, le spectacle est très différent de ce qu'il était en 2010, quand on commençait à le jouer, puisqu'il y a des scènes qui ont totalement disparu. Tout le début de la pièce a été complètement changé. La scène de la comédie musicale n'existait pas. Oui, il y a du Broadway, hein, à un moment donné. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai eu la chance, à un moment donné, de travailler avec des comédiennes qui savaient bien chanter. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'ajouter cette scène. Il y a de l'opportunisme. Donc, on peut, même en s'intéressant à Racine, écoutez, très bien. Donc, on rappelle le titre de la pièce, elle s'appelle Racine par la Racine. À Paris, ça se joue au théâtre Essaillon, dans le 4e arrondissement, face à Beaubourg, au dos de Beaubourg. Et puis, peut-être un spectacle que vous tournez en France, comme ça, enfin bon. Oui. On va mettre ça sur le site et vous nous en direz plus. Merci Serge Bourris. Et bien écoutez, la nuit, cette première nuit Racine se poursuit. Elle va se poursuivre donc par une lecture à une voix, l'émission de Michel Pollack, qui en 1956 avait donné ordre à Jean Marchat d'être tous les personnages de Britannicus. Ensuite, Anthologie française Racine prosateur, une émission de Jean Daubert, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale en 1962. Et puis on terminera par Madame Simone, la fameuse Madame Simone qui donnait des cours à des jeunes comédiens. C'est l'art du comédien propose et pratique. Et c'est Phèdre, le fameux face-à-face. Voilà, c'était en 1957 sur la chaîne nationale. La nuit de France Culture, nuit Racine.